Chapitre 15. Celui qui vint au rendez-vous. Une lourde anxiété régnait dans le grand salon du ministère de l'Intérieur, où les ministres étaient rassemblés avec les présidents des chambres. Derrière ce premier groupe se pressaient, immobiles, les ambassadeurs désignés dans la mise en demeure des Rajisrak. Une table recouverte d'un tapis de velours rouge avait été apportée, non pas qu'on eût à écrire dessus ou à s'asseoir autour. Son rôle semblait plus exactement être celui d'une barrière qu'on ne doit pas dépasser. Au dehors, un étrange phénomène se manifestait depuis quelques instants dans le ciel et continuait de se développer. À midi, on avait vu venir de l'ouest une masse assez épaisse de petits points brillants. Ces points, divisés en deux groupes, formaient deux triangles, avançant la pointe en avant, comme un vol de canard. Leur luminosité semblait due à la réverbération solaire, comme il paraissait, vu au télescope, être animé d'un mouvement vibratoire, on en conclut qu'on se trouvait en présence de machines à voler, d'un système et d'une structure inconnue. De quel coin du monde s'élançaient ainsi dans les airs les bandits? De quel coin ignoraient de la planète? Personne n'en savait rien, et les enquêtes ouvertes à ce sujet n'avaient rien donné. Cependant, l'opinion publique penchait pour les grandes solitudes d'Amérique ou de l'Inde. Seul Escander était d'un autre avis, mais il n'en disait rien. En somme, aucune indication précise digne d'être retenue n'avait été fournie par les recherches. L'observation des points brillants et de leur course dans l'espace permit d'établir que leur allure pouvait atteindre 200 à 250 km/h. Arrivés au-dessus de Paris, les corpuscules, cessant de former deux triangles, se dispersèrent et, par une manœuvre aussi savante que celle qu'eussent exécutée sur Terre des troupes parfaitement entraînées, vinrent s'immobiliser au-dessus de la ville. Alors, ces points scintillants grandirent, devinrent plus visibles à l'œil nu, et comme pour bien révéler leur présence, descendirent encore jusqu'à environ 2 à 3 000 mètres, altitude à laquelle ils se maintinrent définitivement. Les plus puissants appareils des observatoires furent dirigés contre eux, mais ces appareils, si perfectionnés, à l'aide desquels on pouvait plonger dans les profondeurs célestes, étudier les astres les plus éloignés, ne purent montrer que des formes imprécises, tant elles se confondaient avec les couches atmosphériques. Un des observateurs émit pourtant l'hypothèse, qui fut jugée vraisemblable, que ces machines, construites avec le minimum de matière opaque, étaient de plus, en certaines de leurs parties, animées d'un mouvement vibratoire et dotées de miroirs réfléchissant la lumière et les nuages. À 2 heures, une limousine somptueuse, conduite par un chauffeur coiffé d'un turban et vêtu d'une impeccable livrée marron, fit place Beauvau un savant virage et pénétra hardiment dans la cour du ministère de l'Intérieur, où elle vint stopper sous la véranda. Dans le grand salon, au premier étage, le crissement des roues sur le gravier avait été perçu. Les conversations s'arrêtèrent, il y eut un mouvement dans la foule des ministres et des diplomates. Ceux qui étaient assis se levèrent, tous étaient têtes nues, excepté les attachés militaires. Un silence lourd, imposant, s'établit et pesa. Il se passa à peine une minute. La porte fut ouverte par 2 huissiers qui s'effacèrent, et dans l'encadrement du haut chambranle, un homme apparut. C'était Okra d'Asie pâle. Il y eut, parmi ceux qui attendaient, un bref mouvement de stupéfaction. Okra était somptueusement vêtu d'étoffes de soie légère, sur lesquelles était jeté, attaché aux épaules, un manteau de velours rouge brodé d'or, constellé de perles. Sa tête fine et altière était coiffée d'un turban de mousseline de soie blanche, dont un pan léger qui retombait sur l'épaule droite. Au côté gauche, il portait un sabre court, dont la poignée et le fourneau étincelaient d'or et de pierres précieuses. Il s'avança d'un pas lent. Son regard, froid, dur, volontaire, dominait le groupe qui se tenait devant lui. Arrivé à la table, il s'arrêta, fit un salut en portant la main à son front et se croisa les bras. Absolument comme s'il ne l'avait pas vu, obéissant peut-être à un protocole établi à l'avance, le président du conseil se détacha d'un pas et dit « Qui êtes-vous? Que voulez-vous ? » Okra d'Asipal eut un indéfinissable sourire. D'une voix lente, mesurée, il parla. Sa voix seule se faisait entendre, aucun bruit ne venait du dehors troubler cet instant solennel. « Avant de répondre sur ce que je suis ou sur ce que j'étais, je dois vous rappeler que je viens ici armé de formidables pouvoirs. Vos villes détruites, vos milliers de nationaux morts par suite de votre entêtement, vos pays ravagés en sont d'éloquentes preuves. Ne m'obligez pas à les renouveler. En ce moment, des hommes placés pour être vus de ceux qui doivent les voir se tiennent prêts à donner, à l'aide d'appareils spéciaux, aux 2000 avions qui dominent votre ville, le signal de la détruire de fond en comble, malgré vos précautions militaires. Si je ne passe pas devant eux avant 1 heure, ils donneront ce signal. « Alors vous mourrez avec nous, » dit l'ambassadeur d'Angleterre avec une froideur glaciale. « Je mourrai avec vous, » continua Tokra d'Azipal, sans se départir de son attitude, mais son regard, d'un noir éclat, prit encore un caractère plus résolu. « Je mourrai avec vous. On ne risque pas de telles choses sans faire le sacrifice de sa vie. « Qui suis-je, avez-vous demandé ? Hier encore, j'étais le Raja de Vellore. Aujourd'hui, je suis l'empereur des Indes, Maharaja. Par ma force et ma volonté, du Nizam, de Mysore, de Baroda, de Lahore, du Népal, de la Birmanie, de Goa, Pondichéry, Chandernagore, etc. Héritier de tout ce qu'a laissé derrière soi l'Inde d'autrefois, je dis à l'Angleterre, retire tes troupes exécrées du sol sacré qu'elle souille. Je dis à la France, au Portugal, à tous ceux qui ont envahi le pays où règnent mes dieux, allez-vous-en ou craignez ma colère. Sa voix tremblait légèrement, elle était devenue plus gutturale. J'ai derrière moi, continua-t-il, 10 millions d'hommes entraînés et pourvus d'armes. J'ai en main une puissance dévastatrice contre laquelle vous ne pouvez rien. Si dans 1 mois, jour pour jour, je n'ai pas obtenu la plus entière satisfaction à tous mes désirs, au nom de Siva le destructeur, j'anéantirai votre pays. J'ai dit. De nouveau, il leva la main à son front et fit un pas en arrière. L'ambassadeur d'Angleterre esquissa un geste, comme s'il allait parler, mais Tokra, d'un geste bref, certain, lui imposa silence et, se retournant, s'en alla de son pas souple, un pas de félin. Ainsi, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Amérique, l'Italie avaient fourni des millions nécessaires pour que cet aventurier, ce petit prince hindou, mit sur pied et arma la plus formidable des révoltes. Ainsi, sans le savoir, sans rien prévoir, les deux plus grandes démocraties du monde avaient contribué à créer un empire absolu. Et qui sait si, un jour peut-être prochain, cet homme, à condition seulement que la vie lui en laissa le temps, cet aventurier de génie, ayant su mettre une découverte inconnue au service de son ambition démesurée, n'exigerait pas l'omnipotence suprême. Quand celui qui venait de dicter sa volonté aux grandes puissances eut fermé la portière de sa limousine, celle-ci démarra et franchit en vitesse la grille de la place Beauvau. Immédiatement, une autre auto, remisée dans la rue de Miromesnil, traversa le cordon d'agents qui maintenait quelques curieux, ayant risqué l'amende et la prison, pour voir, et se lança derrière la limousine de Tokra. On sut par la suite qu'elle renfermait 3 journalistes, résolus à tout pour faire un reportage sensationnel. Il le fut en effet, mais ils n'en goûtèrent pas les avantages. L'automobile venait à peine de s'engager sur le pont d'Alexandre, que la limousine avait déjà traversé, quand un homme s'élança de derrière un pilastre, fit 2 pas et jeta quelque chose sur la voiture de louage. Une explosion formidable se produisit, et il ne resta plus que des débris en forme du taxi et de ce qu'il avait contenu. Quant à l'homme, il agonisait encore quand on le ramassa. La limousine fila à toute allure, gagna Sèvres, pénétra dans une villa dont la porte se referma. Alors Tokra descendit, pendant que le chauffeur hindou, ouvrant le réservoir d'essence, y mettait le feu. Puis il rejoignit son maître, déjà installé à bord d'un hélicoptère, au repos sur une pelouse. Le serviteur s'installa derrière Tokra d'Azipal, et la machine, d'un élan vertical, s'éleva dans l'azur. Arrivé à une certaine hauteur, le serviteur fit jouer un appareil à signaux, et immédiatement, tous les points lumineux dont le ciel était constellé se réunirent en 2 triangles. Et se perdirent dans les profondeurs bleues du ciel.